L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les trous noirs supermassifs ont-ils une limite en termes de masse ? C'est la question que posent deux astrophysiciens de Columbia University et ils y apportent une réponse positive. La masse maximale serait comprise entre 10 et 60 milliards de masses solaires. La masse des trous noirs supermassifs connue s'étale entre environ 100 000 masses solaires et 21 milliards de masses solaires. Les trous noirs supermassifs se sont formés très tôt dans l'univers encore jeune. Les plus vieux d'entre eux, que l'on peut voir près de nous, existent donc depuis près de 13 milliards d'années. Il est tentant de se dire que si ces monstres ont toujours eu à portée d'horizon de quoi se nourrir depuis tout ce temps, ils auraient dû grossir considérablement. Or, dans l'univers proche, comme dans l'univers jeune d'ailleurs, on n'a jamais observé de trous noirs supermassifs plus gros qu'une vingtaine de milliards de masses solaires. Pour rappel, Sagittarius A-star, le trou noir supermassif de notre galaxie, fait 4,2 millions de masses solaires seulement. Kohei Inayoshi et Zoltan Ayman proposent dans leur étude publiée dans The Astrophysical Journal qu'il existe effectivement une masse limite qui serait gouvernée non pas par les caractéristiques à grande échelle comme la taille et l'histoire de la galaxie hôte ou son taux de formation d'étoiles globales ou des paramètres cosmologiques, mais au contraire par des processus physiques à petite échelle qui se déroulent tout près du trou noir supermassif. En effet, grossir jusqu'à des masses supérieures à 10 milliards de masses solaires nécessite que de grandes quantités de gaz soient transportées depuis des régions éloignées du centre de la galaxie, de l'ordre de quelques centaines d'années-lumière, pour venir rejoindre le disque d'accrétion autour du trou noir supermassif à environ une année-lumière du monstre noir. Ce transport de gaz doit atteindre un taux de 1000 masses solaires par an pour atteindre le niveau de la dizaine de milliards de masses solaires. En modélisant ce processus, nos deux astronomes démontrent qu'avec de telles vitesses de transport, la majorité du gaz se retrouve comme coincé sur le disque d'accrétion, ce qui provoque immédiatement une condensation en étoiles à une distance de l'ordre de quelques dizaines d'années-lumière, et qui ne parviennent jamais assez près du trou noir pour être capturées. Une petite partie du gaz parvient tout de même à rejoindre le disque d'accrétion et finir par être absorbée par le trou noir supermassif. Mais elle n'est pas suffisante pour faire grossir le trou à plus de 100 milliards de masses solaires sur la durée de l'âge de l'univers. De plus, les chercheurs montrent que pour un trou noir supermassif suffisamment gros, l'apport de gaz résiduel devient si faible que la physique de l'accrétion change. Le disque interne gonfle et peut produire des jets de matière. Lorsque cette transition apparaît, l'apport de masse du trou est purement et simplement arrêté, il ne grossit plus. Inayoshi et Ayman calculent que la masse critique correspondant à cette transition est comprise entre 10 et 60 milliards de masses solaires, ce qui est tout à fait cohérent avec la masse du plus gros trou noir connu à ce jour. Les auteurs n'évoquent pas l'éventuelle fusion de trous noirs supermassifs qui permet de les faire au mieux doubler de masse en une fraction de seconde, en négligeant la perte de masse qui part en onde gravitationnelle. Et il faudrait en fait 4 fusions successives à partir de trous noirs similaires de 10 milliards de masses solaires pour atteindre 100 milliards de masses solaires. Un phénomène sans doute finalement assez rare, la plupart des fusions devant avoir lieu entre des trous noirs très asymétriques en masse. L'article de Kohei Inayoshi et Zoltan Ayman est paru dans The Astrophysical Journal, le numéro 828, en date du 12 septembre 2016. Son titre est le suivant, « Is there a maximum mass for black holes in galactic nuclei ?» Existe-t-il une masse maximale pour les trous noirs dans les noyaux galactiques ? Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute hein, sur le www.ça se passe là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des trous noirs supermassifs se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes et comme toujours sur PodCloud et comme toujours sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !